Nous sommes le dimanche 25 octobre, c'est l'épisode 9 du podcast CapVG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue! Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines, je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. Comme je vous l'avais promis hier, je vais beaucoup vous parler d'enfants. Aujourd'hui, un peu plus loin dans cet épisode, il sera question des petits reporters. Mais avant ça, cette question, comment les skippers, parents, gèrent cet éloignement avec leurs enfants pendant plus de 2 mois et demi? Notamment par exemple pour Samantha Davies et Romain Attanasio, parce que pour la première fois dans l'histoire du Vendée Globe, vous le savez, un couple va participer à la course. Donc Ruben, qui a 9 ans, va rester seul avec les parents de Samantha. Mais chez eux, c'est déjà presque une habitude, parce que Samantha et Romain ont chacun participé à un Vendée Globe, tour à tour, et parce qu'ils ont déjà fait des courses ensemble pendant 15 ou 20 jours. Alors certes, cette fois, ce sera plus long, mais tout est prêt pour que ça se passe bien, c'est le papa qui l'explique. Nous, on organise tout depuis longtemps. Il est à la maison avec les grands-parents, il est chez lui, dans sa chambre, il va dans son école, il voit ses mêmes copains, donc tout ça, il n'y a rien qui change, quoi. Et puis il va être bien soigné. Nous, c'est vrai qu'on est un peu speed à chaque fois, on le speed tout le temps, on le récupère comme tous les parents qui travaillent à 19h à la garderie. On a 45 minutes pour les devoirs, le bain, la douche, le dîner. Là, mamie, elle va le chercher à 4h30 à l'école avec son pain au chocolat. Enfin, il aime bien. Hein. Et Ruben pourra évidemment téléphoner à ses parents. Chez Fabrice Amedeo, c'est même un rituel quotidien, tous les soirs, un peu avant 20h. Il ne peut pas se passer d'un petit coup de fil à ses 3 filles, Joséphine, Garance et Louise. Il y a 4 ans, Arnaud Boissière, lui, s'était retrouvé dans une situation très particulière. Son petit Léo était né juste avant l'ouverture du village, c'est-à-dire qu'il avait un peu plus de 3 semaines quand Cali est parti faire le tour du monde. C'est extrêmement dur de laisser un nouveau-né pendant 3 mois. Donc c'est dur pour la maman parce qu'elle reste toute seule, mais c'est dur aussi pour le papa parce qu'on se sent impuissant. Non, ce qui est important, c'est, je pense, c'est garder tous ces moments chaleureux. Moi, j'avais embarqué son doudou avant de partir. Où il y avait son odeur et tout ça. Voilà peut-être un petit conseil donné aux 2 jeunes papas de la flotte cette année, parce que Boris Herman et Alan Roura ont tous les deux eu un enfant cet été. C'était le 9 juillet pour Alan Roura, la naissance de Billy, le Suisse de 27 ans, papa pour la première fois, et finalement, eh bien, il positive sur ces 15 jours qui précèdent le départ. Pour le coup, le fait d'être confiné avant de partir, c'est plutôt pas mal, ça me permet de passer du temps aussi avec ma famille, même si c'est dur, parce que voilà, je vais partir, ma fille aura 4 mois, et je vais rentrer, bah, elle en aura un peu plus, donc ça fait partie du jeu, on choisit pas quand ça arrive. Je suis très heureux d'être papa aujourd'hui, et je suis très heureux de pouvoir dire dans quelques années que bah, voilà, quand elle était petite, bah, voilà, ton père il faisait ça quand t'étais une petite mioche. La maman de Billy, elle, n'est pas plus inquiète que ça. Elle est prête à gérer, toute seule. Elle compte aussi aller dans sa famille à Paris, dans celle d'Alan en Suisse. Mais Aurélia risque d'être bien occupée à partir du 8 novembre parce que c'est elle qui gère aussi la communication du projet d'Alan. Donc beaucoup de boulot, le jour, la nuit aussi. Et malheureusement, la petite Billy dort déjà très bien. En tout cas, cette situation ne semble pas stresser le couple Roura. En revanche, ça pourrait donner des idées à Alan. Peut-être tirer plus dans le bateau pour rentrer plus vite. Il rigole, Alan, mais Arnaud Boissière n'en pensait pas moins il y a 4 ans. Ouais, c'est clair, ça donne envie d'accélérer pour arriver plus vite, ça donne envie de vivre de plein de choses et d'ouvrir en grand les yeux pour essayer de raconter tout ça après. Donc ça donne une énergie supplémentaire, mais des fois tu dis le premier Noël, je vais rater le premier Noël de mon bébé, donc il faut être préparé à ça psychologiquement et surtout, encore une fois, il faut que la maman soit bien armée et qu'au retour, se raconter ses petites histoires, même s'il ne comprend pas tout de suite, voilà, réussir à lui montrer ça quand il sera plus grand. Et puisqu'on parle d'enfants, c'est aussi l'occasion de vous parler des petits reporters. C'est une initiative très sympa portée par Vendée Tourisme depuis le début de l'année 2020. Quelques enfants de 5 à 11 ans qui jouent les apprentis journalistes. Ils sont partis à la rencontre de 7 skippers ces derniers mois et ils les retrouvent maintenant au village. On va interviewer Benjamin Dutreux. Alors ça, c'est Com qui aura 11 ans quelques jours après le départ du Vendée Globe. Et donc Com a une question à poser à Benjamin. Comment te sens-tu à l'approche du Vendée Globe? Là, on est au départ avec tous les skippers, tous les bateaux amarrés au ponton. Donc ça fait déjà monter un peu la pression quand même. Forcément, il y a une petite... un petit sentiment de stress qui s'approche parce qu'on part faire un tour du monde tout seul sur un bateau pendant 3 mois, donc c'est quand même pas quelque chose d'anodin. On va affronter Des océans que je connais pas encore. Donc voilà, une petite dose d'appréhension et de stress qui commence à monter tout doucement, quoi. Alors la question de Côme, finalement, c'était pas loin d'être une question de journaliste. Mais bien souvent, les questions posées par les enfants sont plus originales. Est-ce que tu vas pêcher? Comment tu fais pour aller aux toilettes? Est-ce que tu vas voir des requins, des dauphins? Comment tu fais pour dormir ou pour faire la cuisine? Les skippers, eux, en tout cas, se prêtent au jeu. C'était le cas de Manuel Cousin hier. Les enfants, c'est plein, on le sait, c'est plein de spontanéité. Il y a des mots d'enfants qui sont juste extraordinaires. C'est toujours rigolo. De temps en temps, il y a une petite question qui vient là, comme ça, plein de fraîcheur, plein d'insouciance. J'arrête pas de télé à bord. Non, c'était effectivement une des questions. Mais t'as pas de télé, mais comment tu vas faire pour écouter les informations? Et puis Manu espère aussi peut-être déclencher quelques vocations. Si dans ce lot d'enfants, on peut déclencher des envies ou ne serait-ce que peut-être une passion, pourquoi pas, parce que moi, ça a commencé un petit peu comme ça. C'est gagné, quoi. Moi, je me vois jamais faire ça. Enfin, c'est d'être en mer tout seul. Ça a l'air ultra compliqué. Alors, visiblement, pas de vocation de marin pour le moment pour Côme. En revanche, il m'a quand même livré son pronostic pour ce Vendée Globe à venir. J'aime bien Jérémy Billou avec Charal, Alex Thompson et Maxime Sorel. Maxime Sorel, tiens, ce sera d'ailleurs l'invité de l'émission télé du Village du Vendée Globe ce lundi avec Romain Attanasio. Rendez-vous à 15h pour l'enregistrement, comme d'habitude. Avant de vous laisser pour aujourd'hui, je vous donne quand même les dernières petites infos en direct du Village. À propos d'enfants, justement, on a appris ce week-end qu'un deuxième enfant a été sauvé par l'opération Un clic, un cœur de Initiative Cœur depuis l'ouverture du Village, donc en un peu plus de 8 jours. Vous pouvez aller liker la page du projet de Samantha Davies sur les réseaux sociaux et un like égale 1 euro reversé par les partenaires de Samantha à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui soigne des enfants victimes de malformations cardiaques et l'objectif c'est d'en sauver 60 durant ce Vendée Globe. Ce week-end, la vidéo qui a fait le buzz c'est celle de l'intérieur du bateau d'Alex Thompson, je vous en parlais déjà hier soir, je l'avais relayé comme plusieurs autres médias. Sauf que ce matin, le team du Britannique faisait la chasse à cette vidéo de 32 minutes qui a pourtant été mise à disposition des journalistes mais qui n'a pas du tout vocation à être diffusée dans son intégralité. Donc il en existe un petit passage d'une quarantaine de secondes sur le compte Twitter CapVG20, vous pouvez aller voir ça. Et puis la dernière info entendue avant de quitter le village ce dimanche soir, c'est une sortie en mer prévue demain pour Clément Giraud qui n'a toujours pas justement d'ailleurs fait de banque d'images à destination des médias, donc ce sera l'occasion de le faire demain. Avant son confinement et aussi surtout avant de prendre une amende. C'est tout pour ce dimanche, demain on entame la deuxième semaine de village, on verra quelle ambiance sera au rendez-vous entre la météo capricieuse et les skippers et les teams qui sont pour la plupart confinés désormais, mais ça ne change rien au rendez-vous, tous les soirs ce podcast du village, et d'ailleurs si vous ne les avez jamais écoutés, je vous invite à retrouver les longs podcasts produits par CapVG20 ces 6 derniers mois, il y a 5 rencontres entre deux skippers à écouter, chaque épisode dure une quarantaine de minutes, on y retrouve Sam Davies, Romain Attanasio, Alexia Barrier, Clarisse Kremer, Manuel Cousin, Alain Rora, Benjamin Dutreux, Sébastien Simon, Stéphane Le Diraison et Damien Seguin. Il faut taper CapVG20 tout attaché, une histoire de, pour les retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À demain.